Ok, là ça marche. Salut, salut! Namaste. Namasté! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui. Bienvenue au Québec. Bienvenue en Inde! Hey, mais tu viens d'où au Québec, toi? Montréal. Ah, pour vrai? T'es né là, genre? Mes deux parents sont de Drummondville, mais je suis né à Montréal et resté à Montréal la majorité de ma vie. Parle-moi, s'il te plaît. Pose-moi des questions. Attends, je vais parler. Ouais, ça peut. Je pense que ça peut me. Si tu partages, ça va pouvoir. Il y a des choses qui vont remonter. Je pourrais. Ça va me faciliter qu'il y ait des mots qui viennent. Je vais te faire mini-mini short story d'ego, OK? Mon père a eu une tumeur au cerveau en 2006 ou 2007. Et puis, je me suis dit, oh my God, la mort, je devrais confronter la mort. Pour moi, la mort, ça n'existait pas. Et je me suis mis à lire de fil en aiguille. Tu sais comment ça fait. Au début, tu lis Elizabeth Kübler-Ross. Après ça, les médiums, la vie après la mort, les morts imminentes, blablabla. Et tout ça, tranquillement, tu entends des gens qui sont cités dans les livres. Exemple, Ramana Maharshi ou Un cours en miracle, ou ces choses-là. Puis, je me suis dirigée vers ces livres-là et paf, ma vie a changé. Ça a été, je me suis rendu compte que, indépendamment de la religion, du sexe, de l'âge, du pays où tu vivais, il y avait une vérité qui ressortait dans plein d'écrits de gens qui étaient tellement différents dans l'ego. Et puis, je me suis mis à vraiment m'intéresser à ça. Hey, tu fais de la souris, man? Oups, je vais enlever ça. Ah, je t'agace. Puis, ça pour te dire que le début, ça a été un cours en miracle qui m'a vraiment touchée. Peut-être parce que je ne suis pas de la religion. Si j'en avais, on en choisir une, ce serait l'hindouisme, qui n'en est pas vraiment une, tu le sais. Mais un cours en miracle m'a touchée parce que j'avais été élevée dans le catholique et tout. Et puis un jour, je lisais le cours en miracle et il disait ce que Ramana dit, ce que Nisargadatta dit, ce qui est à l'intérieur de toi est à l'extérieur de toi. Et c'est venu très fort un genre de voix qui est un peu comme nos pensées qui a dit, regarde, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, regarde le monde. À ce moment-là, je me suis sentie tellement mal, comme si je rêvais et c'est moi qui aurais rêvé un monde où il y a tant de Google. On parle pas de ça longtemps, mais moi j'ai dit non, non, non, non. Puis je me suis mis à lire, comme je te dis, Nisargadatta, Ramana. Puis je trouve le message excellent. Puis je me suis mis à invoquer le nom, à me rendre compte que je n'étais pas les pensées, pas les émotions, tu comprends? Et à ce moment-là, ma vie a complètement changé sans que je le décide. Ça, je tiens à te le dire. Ce pourquoi je te parle, ce pourquoi j'ai aimé ton satsang. D'accord? Parce que dans ton satsang, tu dis, on décide pas. Tu sais, quand quelqu'un fait des chakras ou du yoga, je me dis, au moins, il s'intéresse à la spiritualité, mais il copie des rituels, des comportements, des ça. Moi, je suis allée au cœur du message de Ramana, de Nisargadatta, du cours en miracle. J'ai dit, non, moi, je vais implorer la vérité. Je ne l'ai pas. Et comme je te disais tantôt, à ce moment-là, j'étais une personne très pitoune. Si tu veux, je peux te montrer une photo. J'étais blonde, maquillée, épicurienne, tout ça. Puis ça s'est mis à tomber, écoute, sans que je le décide. À un moment donné, je me suis mis à plus manger de viande. Je trouvais que ça sentait mauvais. Et j'ai toujours adoré. J'étais carnivore. Moi, si j'allais au restaurant, c'était un filet mignon. Tu me suis? Puis, arrêtez de me maquiller. Arrêtez de faire l'amour, même. Puis, c'est toutes des choses que j'aimais. Mais j'ai pas choisi. Ça a tombé. Un peu comme tout d'un coup, t'aimes plus quelque chose ou ça ne te dit plus rien. Et je suis comme dans un no man's land. Tu comprends? Je continue d'invoquer. Et comme je te disais, les dons sont apparus. Je ressens les gens. Je ressens s'ils ont mal. Je ressens leurs pensées. je vois leur avenir. Et je vais te revenir souvent au cours en miracle parce que tu sais comme moi que Ramana et Nisargadatta, un peu comme ce que j'ai aimé dans ton satsang, sont très crus, on revient à l'essentiel. Mais dans le cours en miracle, on dit... Tu vas ressentir ça, mais c'est pas vrai. Il peut t'arriver des dons. Puis moi, je me disais, oh, je ressens pas encore mon soi. Je ne vois pas de lumière. Je n'ai jamais eu d'état de grâce. Ces dons-là, j'en fais quoi? Mais pourquoi je ressens tout le monde tout d'un coup? Pourquoi je sais qu'est-ce qui va arriver tantôt? Pourquoi ma fille a 18 ans et demi? À un moment donné, une jeune fille est rentrée, je savais qu'elle aurait un accident de voiture, je savais exactement quand. Pourquoi ces choses-là arrivent? Je me sens comme dans un no man's land, excuse l'expression québécoise, mais ça va te faire rire, tu dois t'ennuyer du Québec. J'ai le cul entre deux chaises. Genre, ce que j'étais, je ne le suis plus, je ne sais pas pourquoi, puis je vois rien. Puis j'ai pas le goût d'utiliser mes dons dans l'ego. Parce que je pourrais faire beaucoup de cash. Tu comprends ça un peu? Dans le cours en miracle, on dit, est-ce que les dons psychiques sont désirables? Donne-les à l'Esprit Saint, donne-les à l'unité. Mais moi, j'en fais quoi là? Et cette peur, puis ça, François, je veux que tu m'aides, cette foutue peur. Je vais te dire la vérité, puis je veux pas que tu raccroches, OK? Ça fait 5 ans que j'ai pas sorti de chez moi. Les rares fois où je suis sortie, ça a été des choses qui feraient peur aux gens. Je suis allée à une funéraille d'une dame que j'aimais beaucoup. Aucune peur, aucun rien. Comme je peux aller au dépanneur à côté, puis mon Dieu, je vais avoir la diarrhée, je vais être... Explique-moi, s'il te plaît, ce qui m'arrive, parce que je suis d'un no man's land. Peux-tu m'aider? Je peux te supporter, mais seulement toi peux t'aider toi-même. Oui, ça, c'est sûr. Moi, je suis disponible et puis tout ce que tu me partages, ça me fait pas peur parce que les circonstances de nos vies peuvent avoir plein de différentes facettes, plein de différentes couleurs, mais pour moi, ça, je m'intéresse pas au pourquoi. Parce que n'importe quoi que je pourrais dire, ce serait seulement un point de vue. Et puis, pour moi, aucun point de vue n'a aucune compréhension, ne m'a jamais apaisé, ne m'a juste augmenté la quantité de connaissances que j'avais. Puis c'est à propos plutôt de remettre en question toutes les connaissances. Ouais, mais d'oublier toutes connaissances. Les connaissances, tout aussi longtemps qu'il y aura un corps et un intellect, viendront, mais c'est l'identification de... Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que je commence à avoir de plus en plus d'expérience sur le côté des gens, puis je vois beaucoup les pièges. Il y a énormément encore d'identification qui se font avec beaucoup de compréhension de non-dualité, mais c'est pas intégré. C'est pas intégré, c'est « Ah, je vois que je suis pas mes pensées. Je sais que je ne suis pas mes pensées. Je sais que je ne suis pas mes émotions. » Mais il continue à avoir de la réaction à ces choses-là. Donc, c'est une connaissance. Ça peut être une expérience directe de reconnaissance passée que je suis au-delà de cela. Mais c'est une connaissance par rapport à une expérience d'il y a 10 ans. Mais c'est pas moment par moment incarné que ces choses-là oui. cessent. C'est pas incarné moment par moment que ces choses-là ne m'affectent pas. Donc, il y a encore une résistance par rapport à cette peur-là. Puis l'honnêteté, puis d'être clair par rapport à c'est quoi l'expérience dans le moment pour pouvoir travailler. Ça, c'est une qualité qui est essentielle de pouvoir voir vraiment sincèrement, honnêtement, où j'en suis. C'est quoi qui est une croyance, c'est quoi qui est intégré pour pouvoir cheminer. Tu comprends ce que tu m'expliques, François. Je te promets que je te comprends. Sauf que moi, un peu comme tu dis, je fais comme non. Awareness, awareness, awareness, OK? Puis ça, je le fais vraiment souvent, mais OK, mais là, je demande. clarifions ce awareness et voyons ce dont tu parles et c'est ce que je parle. Il peut y avoir une différence parce qu'il y a des subtilités. Parle-moi donc de awareness. Quand tu fais awareness, c'est quoi? À quoi tu fais référence? Et comment ça se passe pour toi? Explique-moi. Je vais te donner un exemple concret. Je suis fâchée de quelque chose. D'accord? Mm-hmm. Je vois la colère arriver. Je la vois. Mm-hmm. Puis moi, si j'embarque dedans, je me vois comme à côté. Tu comprends? Je suis témoin de ça. Mm-hmm. Avant, je m'aurais fait culpabilité. Ah, oh, t'es encore embarqué là-dedans et tout. Mais il n'y en a plus de ce jeu-là. C'est comme, OK, cette colère-là est arrivée. Le corps mental embarqué là-dedans, ben, safe. Mais, so what? OK, mais c'est à cause que là, tu vois que tu es le témoin, tu vois que tu es le témoin de la colère. Hmm? Mm-hmm. Mais ça, c'est encore de la dualité. Il y a la colère, il y a le témoin. Moi, ce que je parle, c'est que ça, tout ça s'en va. Mais je veux dire, il y a même plus. Et la colère, on tombe dans les gens violents qui sont dans leur ego, puis ils sont juste violents. Tu comprends? Mon mot est fou. Au départ, même, on peut être surpris de ce qui remonte à la surface quand on cesse d'être impliqué dans ce qui se passe à la surface, même on peut la colère peut surgir, mais c'est juste par exemple Sri Nisargadatta dans ses satsangs, il était très intense, il pouvait crier après le monde. Et puis pour moi aussi dans certains satsangs, je sais pas si tu connais Muji. Très bien. OK. Mais pour moi, Muji a été l'enseignant avec lequel j'ai cheminé le plus longtemps. Et lui, il est extrêmement patient avec les gens. Il les écoute, même si les gens redemandent les mêmes questions, puis ils sont super intellectuels, puis pour moi, ça va nulle part. Il les écoute, puis il va à fond. Pour moi, je suis pas comme ça. Pour moi aussi, il y a du monde. Je vois les gens sont pas réellement sincères. Montrer leur connaissance, puis ils sont pas prêts à laisser tomber leur croyance. Puis moi, je les coupe. Je leur dis, cet espace-là ici est pas pour ça. Cet espace ici, je l'ai créé pour ceux qui sont sincères à complètement disparaître. Et puis, pour moi, des fois, s'il y en a qui viennent, puis je leur dis, non, ça, c'est l'identification. Puis les gens sont... Ils ont énormément de résistance à comment je partage parce que je j'utilise pas les gants blancs. Puis pour moi, je vois ça comme une force de pouvoir montrer aux gens que la résistance qu'ils ont à entendre certains mots, certaines choses, parce que s'il y a de la résistance, c'est quoi qui résiste? C'est pour moi, à chaque fois que dans ma vie, il y a de la résistance, c'est une opportunité. De voir, OK, qu'est-ce qui résiste? Dis coucou à ta blonde, je viens de l'avoir passée. Ah, c'est bon, je vais la saluer après. Je vais la saluer après. Mais tu sais, François, là, ma vraie, vraie question, là, c'est est-ce que ce que je vis est... J'aime pas le mot normal, j'aime pas... Mais est-ce que ça se peut que tout soit chamboulé comme ça? Oui, mais je t'invite. D'après ce que tu partages, pour moi, il y a une subtilité que d'après moi, sur quoi tu ne focuses pas. Parce que là, tu dis, dans ce que je vis, pour moi, je ne vis, il n'y a plus rien que je vis. Il faut que tu focuses sur le je plutôt que qui se passe en toi. Là, tu focuses beaucoup sur j'ai les dons, je deviens de plus en plus sensible. Je vois, moi, j'ai pas, ma, je me sens. Excuse-moi de te couper. Ok. Je t'en ai parlé pour que tu connaisses mon cheminement, mais je suis très low profile là-dessus. Ah non, Je te dis que c'est pas ces dans ton. choses-là me sont arrivées. Mais sont arrivées, sont arrivées. Pourquoi tous les désirs tombent et des dons t'arrivent? Mais comme je te dis, je pourrais en faire de l'ego total, mais non. C'est comme, OK, les désirs sont tombés, je ne devais pas être ça parce que j'existe encore. Ces choses-là arrivent, je ne dois pas être ça parce que j'existe encore. Mais, tu sais, exemple, dans le Cours en miracles, on dit, fais de la place pour la grâce. Tu sais, que mon ego se taise ou pas, que ces choses-là m'arrivent ou pas, la grâce va-tu arriver? Dissiper ça, merge me in you, you know? C'est comme, je dis ça à Dieu à chaque 15 minutes au pire, merge me in you. Merge me in you. OK, Et tout ce que encore plus important de ça, c'est de faire l'investigation correctement. Et puis, d'après certaines choses que tu partages, pour moi, il y a encore trop d'attention au contenu. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, par exemple, par rapport à l'ego, puis tu m'as expliqué que ce que tu m'as partagé avec moi, c'est juste pour partager où tu en es. J'ai pas, moi, la façon que je t'ai entendu, j'ai pas entendu que t'es fier ou que tu, même l'affaire que, ah, tu vois que les dons sont là puis tu t'en profites pas puis tout ça, je vois que t'es low profile. Quand j'ai parlé de ça, c'est pas à propos que je vois que ça, tu pètes que t'as la tête enflée avec ça ou quoi que ce soit, mais tout ce que je dis, c'est que de ce que tu partages, de ce que je perçois, il t'a une relation avec ça. Même si c'est pas une relation qui te fait en, qui c'est, il y a toujours un intérêt envers ces trucs-là. Il y a un intérêt, il est intéressé par Je veux juste me souvenir de Dieu, c'est tout. Mais tu vois, mais je comprends, je te crois dans ce que tu me partages, mais tu vois pas cet intérêt? Ce dont je parle, c'est faux, qu'il y a de l'intérêt avec ce qui se passe en toi. Ben, je peux pas dire que c'est de l'intérêt, sauf que c'est ce que je vis présentement. J'essaie, comme je te dis, de Mais rester qui? Non, non, non, awareness. non, non, mais qui? Tu dis C'est ma réalité. ce que je vis. Là, faut qu'on regarde. C'est qui vit ça? Moi, c'est pas. C'est qui vit ça? Je sais-tu, B, je ne sais pas. Ah, mais si tu le sais pas, c'est là que tu devrais mettre ton attention complète. Parce que pour moi, si tu me poses la question, je peux te dire à chaque moment. Si tu me demandes, ah, mais le je, c'est qui ça? Moi, je peux te le dire à chaque moment. Il n'y a Ah aucune. oui? Ouais. C'est quoi ton jeu là? Il y en a, pour moi, c'est rien, il y a personne. Mais c'est ça. Il n'y a personne. Il y a juste des constatations d'événements ou de sensations ou de pensées ou de sentiments. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu derrière ça. Non, non, non, non, mais attends. C'est pas à propos d'être vrai, c'est à propos reconnaître à chaque moment, pas juste de reconnaître, ah oui, il y a personne, mais c'est un autre moi qui constate qu'il y a personne. Ça reste encore, le mental il est encore là. Ah, ça, c'est sûr. Mais Voilà. j'aimerais que tu me dises quelque chose. Tu sais, sur Facebook, il y a des communautés, des gens qui likent des posts de Nisargadatta. Et plusieurs gens disent des choses comme répéter les paroles des sages. Et tout à coup, un monsieur qui pensait m'aider, puis là, tout à coup, il me dit, t'es un chum? Je fais, ouais. Tu t'es pas mis en couple sur Facebook? Puis il me pétait une coche, puis ce gars-là faisait son gros spirituel depuis plusieurs temps, tu comprends? Fait que, moi, si j'ai besoin d'aide, comme je t'ai dit, de soi à soi, C'est pour ça que je me suis tournée vers toi, parce que j'ai regardé ton satsang, Dieu et soi, tu es quand même en Inde, même si, comme tu le dis, c'est pas dans une grotte en Himalaya ou là là là, mais c'est pour ça que je me tourne vers toi. Est-ce que mon chemin est normal? Parce que moi, quand j'entends toujours des gens, ah, oh, tout est beau, je suis heureux, gna gna, je crois que quand tu cherches vraiment la vérité, ça peut pas être cool pour l'ego, c'est impossible. Ça peut pas être. Ouah, ah, je trippe. D'après moi, c'est l'ego qui trippe. Avant C'est la vérité. la sérénité. Et quand la force, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient avec la joie, puis l'extase, puis il y a beaucoup d'expériences spirituelles qui peuvent venir entre-temps. Mais pour moi, ce que je partage, c'est qu'il peut y avoir énormément d'inconfort et puis c'est normal. C'est normal. Faut être prêt à faire face à tout ce qui est enfoui en soi, puis il y a beaucoup de trucs inconfortables qui peuvent venir. Puis, on fait quoi? Parce que On fait quoi? On garde notre... même Nisargadatta l'a dit, le Cours en miracles l'a dit, si tu combats une chose, tu la rends réelle. OK? Alors, le fait, là, qu'en sortant de chez moi, je suis attaquée. Peut-être toi, tu l'as jamais vécu, tu comprends pas ça. Moi, j'avais peur de rien avant. Mais c'est pas que j'ai peur, c'est que c'est juste, oh my God. Mais si tu combats quelque chose, tu le rends réel. Mais en même temps, ça n'existe pas. Alors, on fait quoi, rendu là? On fait quoi? On garde Parce notre... que je suis pas malheureuse, tu sais. Au pire, je resterai chez moi, puis j'attendrai de ressentir la grâce. J'attendrai qu'on m'envoie ce qu'on veut m'envoyer. On fait l'investigation de soi. C'est ça qu'on fait. Alors, tout aussi longtemps qu'on a l'impression d'être séparé de Dieu. Faut qu'on continue à faire l'investigation de soi, puis la grâce de quand ça va être incarné qu'il n'y a que Dieu. Ça, c'est pas nous qui décidons, mais ce qu'on nous on peut faire, c'est de faire l'investigation de soi. J'ai une question très importante pour moi, OK? Est-ce que, parce que j'ai jamais eu d'état de grâce, même si j'invoque, même si je médite, est-ce que c'est parce que je suis pas une belle âme ou... Le beau est pas beau, c'est pas du point de vue de l'absolu, ça c'est seulement le mental puis notre conditionnement qui veut. Mais Mais... je vois aucun problème avec toi parce que pour moi, ce qui avant voyait un problème est parti. C'est vu que c'est seulement l'intellect qui juge et puis qui est pas satisfait. Pour moi, ton âme, ton individualité, utilise-la pour fondre dans ce qui est parfait. Et puis tu vas voir qu'avec le temps, cette âme-là va s'harmoniser avec le divin. Et puis ce qui était vu avant pour un problème, c'est ça, tu vas en rire. Mais il faut être prêt à faire face à l'inconfort. L'inconfort, c'est ça, la peur, pas savoir quoi faire avec les dons, c'est tout ça. Pas savoir quoi faire avec les dons. Oui, tout ça, exactement. Faut que tu continues à garder, OK, c'est qui sait pas quoi faire? C'est le mental qui sait pas quoi faire avec. Quand tu utilises le mental pour fondre, là, il y a peu importe comment ça va se déployer. Peut-être que les dons vont rester inutilisés, mais ça n'a pas d'importance parce que tu n'as pas besoin d'aller nulle part. T'es tranquille à chaque moment, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et s'il y a un don qui est utilisé, ça sera utilisé, mais c'est pas, il n'y a aucune implication, puis ça n'a pas d'importance. Peu importe où le corps va être dirigé, c'est quoi qui va se produire, ça n'a pas d'importance. Mais qui ou quoi va utiliser le don, mettons? Exemple, là, que tu rentrerais chez moi, là, puis je le sais sans que tu me dises que tu as mal à tel endroit dans le corps, OK? Moi, je le sais qu'en te touchant, je vais te l'enlever. Qu'est-ce que je fais? tu fais rien. Ouais, ou... non, mais cette connaissance-là de savoir quoi faire, cette connaissance-là de savoir quoi faire, il y a de l'implication, tu as de l'implication là-dedans, tu es intéressé par cette connaissance-là, il y a une identification. Non, laisse-moi terminer, tu vois. Fait que moi, je veux pas le faire, sais-tu pourquoi? Parce que je vais dire, oh, ils vont penser que je suis une guérisseuse, puis je veux pas garder les gens dans l'ego comme si tous les gens étaient différents. Par contre, je vais dire, ça m'est arrivé de dire, écoute, je peux t'aider à la condition que tu crois. Crois-tu en l'univers? Crois-tu en l'unité? Crois-tu en Dieu, au pire? Si tu crois, je vais pouvoir t'aider parce qu'à deux, on va être capable. Toute seule, je pourrais pas. Puis, si la personne ne croit pas, même si j'étais capable d'y enlever son mal, je le fais pas. Puis, si la personne croit puis qu'elle embarque avec moi, je dis, mais c'est-tu correct, ça, vis-à-vis l'univers? Je veux... L'univers a pas de préférence. Seulement, tu fais l'investigation de toi. Si tu fais pas l'investigation de toi, il y a l'identification qui se fait par défaut. C'est ça que j'appelle parce que là, moi, j'entends plein de trucs, puis pour moi, et ça sonne identification, identification, identification, identification. Puis quelquefois, j'essaie de pointer à quelque chose, et tout de suite, tu t'en vas dans des explications, et puis je sens même que, je sais pas, peut-être que tu le vois pas toi-même, mais je vois de la défensive. Ah, c'est pas de la défensive, je pense que c'est de... Je suis tannée. Je suis zéro dépressée, zéro suicidaire, mais si une vie, c'est pour être comme ça, dans un monde d'individualité séparée, quand, en lisant les sages, tu sais que la vérité existe, ça donne quoi de vivre comme ça? Soit la vérité plutôt que c'est la connaît. Ne connaît pas la vérité, mais soit la vérité. Parce que là, tu la sais, mais tu l'es pas. Mais comment on fait pour l'être? En faisant l'investigation de soi. Ouais, ça, je la fais quotidiennement. Ouais, pratique. Oui, mais je t'invite à considérer qu'elle n'est pas faite profondément. Qu'elle est peut-être faite de façon un peu superficielle et puis que ça va plus profondément que ça. Et puis moi, je vois que par expérience d'avoir guidé plusieurs personnes qui étaient prises dans des pièges, je le constate en toi. De mon impression, je dis pas que je détiens la vérité. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont pris dans ces pièges-là de connaissances et puis pris dans des expériences, mais que ça reste la séparation. Moi, ce que je parle, là, c'est qu'il y a plus... Je suis d'accord avec toi. Il y a plus de témoins. Il y a plus de témoins dans mon cas. Et puis, c'est à ça que je pointe. Il faut continuer, parce que même Nisargadatta, il dit que le témoin, le « I am », le « je suis », ultimement, ça s'en va aussi. C'est dans la bonne direction, mais faut continuer à investiguer. Oui, comme Mouji dit souvent, celui qui va commencer l'investigation va être le dernier. Va disparaître à travers l'investigation. Donc, faut continuer à poser des questions jusqu'à temps que celui qui pose des questions se dissout. Donc, pour moi, d'après ce que tu me partages, tu regardes beaucoup dans ce qui se passe dans ta vie plutôt que qui es-tu. Dans la que tu as tous ces ressentis-là par rapport aux gens, par rapport à l'exemple. Pour moi, je supporte des gens qui me partagent leur don et tout ça, je suis contente de ne pas en avoir eu tant que ça, d'avoir eu trop de ces expériences-là, parce que je vois que c'est facile d'être intéressé par ces trucs-là. Je dis pas que c'est... J'en veux pas. Je veux me souvenir de ce que je suis, c'est tout. Mais en faisant cette quête-là, tout ça t'arrive et... OK, excuse... Le mot, mais what the fuck? Je sais pas demander ça, moi. Tu sais, au contraire, mon ego tombe sans que je le décide. Puis ça t'arrive, tu sais pas. J'en veux pas. Je veux juste me souvenir de ce que. Non, mais c'est pas un obstacle, c'est juste parce que tu y accordes de l'attention que ça devient un problème. C'est pas un obstacle, ces dons-là, c'est juste l'attention va vers ces trucs-là plutôt que qu'est-ce qui perçoit les dons? Qu'est-ce qui constate les dons? Ce qui constate les dons n'a pas de dons. Ce qui constate les dons n'a pas de relation avec les dons. Mais tu as une relation avec les dons. Tu veux, là, tu dis, ah, oh, mais j'y veux pas. Ah, oh, mais je dois. J'ai une. C'est comme maintenant, j'ai toutes ces choses-là à penser parce que je suis sensible parce que quand les gens. Non, non, non. Je Comment? n'y pense pas, pour vrai, François. Je n'y pense pas. Je me demande juste quand est-ce que tu arrives à invoquer, quand est-ce que tu as une réponse. Autant que l'ego est tombé, autant que ça, mais quand? C'est pas à propos de quand, c'est de consacrer complètement notre vie à ça. Puis le quand, c'est personnel. Tu remets ça dans les mains de Dieu aussi, le quand. Parce que là, tu focuses sur le temps, sur ah, je suis pas là déjà, quand est-ce que je vais arriver. Mais c'est ça, c'est. J'ai raconté cette histoire-là, je t'ai raconté en français parce que je l'ai raconté dans mes satsangs anglophones. Mais tu sais que. Sais-tu que tu parles en anglais, toi? Oui, tu peux le dire en anglais, c'est correct. Je veux pas le nom, mais je vais la dire en français, mais j'ai. En anglais, c'était plus à l'aise. Non, mais t'as-tu vu que j'avais une chaîne anglophone, YouTube? Ok, ben je t'invite. Je vais partager le lien avec, puis parce que la majorité de mes satsangs sont en anglais. Je vais te partager la chaîne après, puis il y avait deux moines qui ont appris qu'il y a un homme qui allait dans l'Himalaya pour aller rencontrer un sage éveillé. Puis les deux moines ont demandé à cet homme de demander au sage éveillé. Qu'ils lui disent quand est-ce qu'il allait s'éveiller. Et puis, lorsque l'homme est revenu, les deux moines sont venus à sa rencontre. Le premier, il lui a demandé quand est-ce que j'allais m'éveiller. Et puis, l'homme dit, mais tu sais, l'arbre sous lequel tu médites, eh bien, tu vas avoir autant de réincarnations qu'il y a de feuilles dans l'arbre. Et puis là, le moine, il se choque, il dit, ah, ben là, toute ma vie, j'ai consacré à ma pratique spirituelle et ça, c'est pas possible. Et puis il dit à quoi bon. Et puis il s'en va dans un bar et commence à boire. Le deuxième, il se fait dire exactement la même chose, mais il est content. Ah, ben ça veut dire c'est sûr que l'éveil va se faire. Et puis là, il y a une bourrasque de vent et puis toutes les feuilles sont projetés dans l'air et puis quand la dernière feuille va au sol, il s'éveille. Ça démontre le niveau de maturité des deux. Les deux, le premier, il était pas patient. Le deuxième, il était patient. Puis sa qualité de sa maturité a permis que c'était juste un test. Pour voir est-ce qu'on a des attentes, est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut, est-ce que c'est quoi, c'est ça, ça démontre la maturité. Donc c'est faut être patient, faut pas faire. Pour moi. Mais pourquoi tous les désirs tombent? Pourquoi en invoquant mon Dieu tout ça? Les désirs tombent. Finalement, pourquoi? Pas tous les désirs ont tombé. Certains désirs ont tombé. Parce que beaucoup de choses que tu me partages sonnent comme des désirs. Raconte. Ben, il y a un désir, le désir de s'éveiller. C'est le seul qui reste, je pense. Ben, je suis sûr. Voilà. Ben, c'est ce désir de s'éveiller va brûler tous les autres désirs. Donc, c'est parfait. Mais ça. Mais pourquoi, quand on invoque le nom de Dieu, tout ça arrive? Ben pour moi, premièrement, je veux juste clarifier que quand j'utilise Dieu, je l'utilisais beaucoup plus dans cette scène-là parce que maman, je l'ai fait en partie, je parlais de cette façon-là en partie parce que ma mère, je sais qu'elle écoute mes vidéos, puis je voulais un peu la rejoindre. Ouais, tu l'as expliqué, mais moi, Ouais, c'est la même façon. mais Dieu, Ouais, pour moi, des c'est fois. conscience, Science, conscience, vérité, humanité, ouais. conscience. Mais j'aime bien le mot, il est court. Je sais qu'il est galvaudé, mais pour moi, c'est comme toi, la conscience, une Ok, vérité. mais Dieu, c'est qui tu es. Dieu, c'est ta réelle essence, c'est pas en dehors de toi. C'est sûr, parce que je vivrais pas sinon. Ce corps ne bougerait même pas si Dieu n'était pas en moi. Voilà, Ça, je le sais. Dieu, c'est la source. C'est la source. J'aime la source de tout. Mais tu m'as pas dit pourquoi toutes ces choses arrivent quand on invoque le nom de Dieu. Est-ce que c'est ce que Jésus appelait le diable, l'enfer qui vient te teaser, te faire peur pour que tu retournes dans C'est juste des conditionnements. C'est juste des conditionnements qui sont. Mais pourquoi t'es intéressé par pourquoi? Ça aussi, c'est un conditionnement de pourquoi faire des pourquoi à propos de tout. Ça aussi, c'est un conditionnement. Non, c'est à toi que je parle. Je Parce sais. que je me dis que tu as parlé à beaucoup de gens. Est-ce que, j'aime pas le mot normal, mais est-ce que ça prend ça? Est-ce que c'est strange ce que je vis ou je sais pas comment te l'expliquer, mais Non, non, sans. pour moi, il y a, c'est ce que tu vis, c'est pas, il y a aucun problème avec ce que tu vis, mais pour moi, d'après ce que je vois puis ce que tu partages, il y a juste toujours, tu donnes l'attention au comment les choses se déploient, mais puis c'est une des raisons, c'est à cause que tu te questionnes, est-ce que c'est normal, hein? Puis à cause de ça, peut-être que notre conversation de dire que tout ça, c'est, il y a aucun problème avec. Tu vas pouvoir moins donner ton attention à ça, puis ça va juste être ça va être facilitant pour rester dans le qui suis-je plutôt que pourquoi. Parce que je te dis, ces choses-là sont normales, il n'y a aucun problème. T'as pas besoin de combattre présentement. T'as peur d'aller à l'extérieur de ta maison. Pour moi, je vois aucun problème avec ça. T'as juste à intégrer le qui suis-je dans tes circonstances de vie actuelles. Puis tout c'est, ah, oh, mais là, est-ce que peut-être il y a quelque chose qui est pas correct avec moi, le diable, tout ça. Non, je te dis, ça, ça doit pas être changé. Ça, tu dois travailler avec ça. De continuellement voir, OK, qu'est-ce qui perçoit ça? Qu'est-ce qui constate ça? Qui suis-je? La peur, elle est constatée. Ce qui constate la peur, est-ce que ça l'a peur? OK, donc, c'est quoi ma réelle identité? Est-ce que c'est la peur ou ce qui est derrière? Puis là, Oui, ça, je c'est ce qui est derrière. Mais là, c'est pas de juste comprendre que je suis ce qui est derrière, mais c'est de continuellement accorder ton attention à l'espace divin plutôt que le contenu. Parce que là, tu es beaucoup intéressé avec le contenu. C'est juste une habitude, c'est juste une tendance. Puis à cause de ça. Non, non, mais je ne veux pas dire non, mais je t'en parle parce que c'est ce qui est arrivé quand je me suis intéressée à ce que tu parles. Puis Ah, tout ça, mais c'est tu comprends? normal. Mais c'est normal, ces trucs-là, parce que quand on commence à s'intéresser à ce qui est derrière, c'est vu de façon plus claire. Il y a beaucoup de clarté qui vient que le contenu. Il est insatisfaisant, même si tu as des belles expériences, même si tu as une belle sexualité, même si tu as plein d'expériences, ça a une fin, c'est pas satisfaisant. Donc, il y a un désintérêt par rapport à ça, puis c'est normal. Mais l'affaire, c'est qu'on peut se perdre à donner trop d'attention au désintérêt. Le désintérêt est aussi une apparence. Avant, on était Mais intéressé, puis là, on devient désintéressé, mais les deux sont une apparence. Faut juste voir, revenir à la source continuellement. Revenir à la source. Qu'est-ce qui perçoit le désintérêt? Qu'est-ce qui perçoit la résistance par rapport aux peurs? Qu'est-ce qui perçoit, Ça, quelle est la source de, quelle est la source de, et de continuellement revenir à la source, continuellement, Mais jusqu'à. je sais qu'avant, quelqu'un choisissait l'intérêt. Pour le désintéressement, il n'y a personne qui a choisi ça. C'est arrivé comme ça, tu comprends? Fait que rendu là, Non, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. ben moi je dis autre chose. Moi je dis qu'il y avait personne qui choisissait l'intérêt aussi, puis il y a personne qui choisit le désintérêt. Ouais. Mais tu sais ce que je veux dire, là. Dans le sens où c'était l'ego qui. Ben moi je dis que le désintérêt est tout aussi le l'ego. Non, parce que j'ai pas choisi des intérêts. Je vois tellement de gens, Mais là, moi c'est pas qui par font. Faut plus manger de viande, ça tue les animaux, gna, gna, gna, parce qu'ils veulent se donner une belle conscience ou spirituelle ou ce que tu veux. Moi, c'est pas ça. Je suis même pas capable, des fois, de me mettre un morceau de viande dans la bouche, ça sort, c'est comme ça pue. Puis j'étais carnivore, comme je te dis. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Non, mais parce que qu'il faut juste qu'on clarifie ce que moi j'appelle l'ego, qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus vaste que peut-être ce que toi t'appelles ego. Pour moi, je parle ego, identification avec corps. Oh Seigneur Dieu, si tu savais comment je challenge ce corps. Je sais qu'on n'est pas le corps, je sais très bien, j'ai déjà sorti de mon corps, c'est un vêtement, je sais qu'on n'est pas ça. Je Ouais, suis capable de guérir mais plusieurs. pour moi, je dis que je sais que je ne suis pas le corps, c'est une croyance. Ben non, c'est une vérité. OK, mais tu souffrirais plus si c'était incarné. Il y aurait plus de, il y aurait plus de, si c'était actualisé, ce que tu dis là, ça ne serait pas seulement une croyance. Non, non, ça a été vérifié, là. Je l'ai déjà vécu. Un peu comme quelqu'un Ben qui a des moi, expériences. Ah, non. excuse-moi, je l'ai déjà vécu, c'est du passé, je m'en fous. Non, je comprends ce que tu. Présentement, tu souffres. Présentement, tu es en recherche, puis tu peux même pas sortir de chez toi. T'es pris dans t'es en plein de trucs. Excuse-moi, mais je suis direct, là. Pour moi, C'est correct. OK. Mais ça me dérange pas, par exemple. Avant, là, j'aurais capoté, là, moi qui étais si sociale, mais ça me dérange pas, j'en souffre pas de ça. Je trouve juste bizarre. C'est tout. Genre, qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre. Pour moi, ce que tu partages de ce qui m'arrive, ça englobe ce que j'appelle l'identification. Mais je t'ai pointé ça plusieurs fois et je ressens pas de l'ouverture à envisager ça pour le moment. Je vais juste te partager comment je ressens ça. J'ai pointé dans la direction que pour moi, la façon que tu partages plusieurs trucs, selon mon observation, c'est de l'identification. C'est une identification plus fine, moins grossière qu'avant, mais ça reste une identification. Ou de la constatation? Mais qui constate? C'est ça que je veux savoir. J'ai hâte de savoir. C'est à propos. Mais c'est toi qu'il faut qu'il découvre. Je peux juste, pour moi, faire des rappels, mais il faut que tu le découvres. Mais est-ce que ça arrive par la grâce? Parce que c'est pas Edith qui va se rappeler de soi. Edith va s'en aller et seulement le soi va rester. Ouais. Voilà. Edith, faut qu'elle, mais elle a sa part à faire, Edith. Edith a à faire l'investigation de soi et puis juste d'être ouverte à ce que ça se peut qu'il y a plus d'identification qu'elle le pense. Ah, c'est sûr que je suis identifiée, sinon je serais pas là à jaser avec toi, tu sais. C'est Voilà, sûr. voilà. Identification, ça je le sais, là. OK. Ben pour moi, déjà, d'avoir l'humilité puis l'ouverture de partir à partir de là. Donc, on peut, à partir de là, on peut regarder ensemble. Fait que là, moi, ce que je me dis, ce que tu sais, si je mets l'emphase sur la pratique, pratique, pratique, pratique, Fait que là, ça va être de pratiquer, puis je peux t'accompagner, mais je vais accompagner ta pratique, puis c'est selon tes propres découvertes. Moi, je peux juste pointer, et puis quand la reconnaissance va être faite, c'est quand ça va être fait, puis c'est pas, c'est pas nous qui décidons ça. C'est ça la grâce, mais nous, qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est de pratiquer puis d'être ouverte à regarder puis de voir qu'il y a peut-être des choses, comment dire, Des restants d'identification. des identifications qui t'empêchent de voir. Fait que moi, Ouais. je pointe beaucoup dans cette direction-là des choses que je vois que les gens dans lesquels sont pris. Puis dans les 7-5 francophones, il y a moins d'accès de, il y a moins de contenu, mais j'ai comme mis quasiment toutes mes 7-5 depuis que j'ai commencé la saison ici en ligne. Fait que mes pointeurs sont tous là. Fait que là, je t'invite à voir, moi, dans beaucoup de choses que tu partages, je vois que il y a des choses comme ça. Fait que je t'invite à écouter, puis de pratiquer. Puis d'ici là, avec la pratique, puis les pointeurs, tu regardes s'il y a des questionnements qui viennent, des choses qui viennent. Puis la prochaine fois qu'on se revoit, basé sur ta pratique, puis ce que tu vas pouvoir voir en toi, tu peux me partager s'il y a des obstacles. S'il y a des questionnements par rapport à la pratique, puis je peux t'accompagner à travers ta pratique. Mais c'est parce que pour moi, je vois que la clé, c'est la pratique. Par exemple, il y a une femme qui vient dans mes satsangs, puis elle écoute, puis elle apprécie à entendre la vérité, mais elle pratique pas. Puis pour moi, je vois que je veux dire, je veux pas lui dire de s'en aller des satsangs, mais pour moi, ça va nulle part. Mais dans l'optique où je pratique, that's the only way out, that's the way to Bon, regarde, d'après. à travers notre conversation, je t'ai pointé qu'il n'y a aucun problème avec toi, que peu importe les dons, peu importe la sensibilité, peu importe tes circonstances de vie, c'est correct. Donc, là, peut-être qu'il va y avoir une relaxation d'observer ce qui se passe par rapport à ta vie. Puis là, tu vas pouvoir plus focusser sur qui suis-je. Oui, mais je l'ai toujours fait, François, ça. C'est comme si quand les choses tombaient, d'autres choses arrivaient, mais j'ai continué à faire ça. Mais si tu me dis, lâche pas, continue, continue, même ça va s'effacer. Comme l'ego s'est effrité. Continue de faire ça. Tu comprends? C'est ce que je veux Ouais, mais non, mais créer en. ce que je dis, c'est que la façon que tu pratiques, d'après moi, c'est pas, c'est ça, ça va plus profond. Je dis pas que t'as pas pratiqué, mais d'après moi, de ce que tu partages par rapport au focus dans ta vie, ça va plus profond. Puis pour moi, c'est pour ça que je te dis, continue à écouter les vidéos. Puis on va voir peut-être ce pointeur-là. Pour moi, je vais donner l'exemple de ma copine, OK? Ma copine est aussi en cheminement. Puis elle était une disciple de Muji, OK? Puis quand on s'est connus, je voyais qu'elle était prise encore dans l'identité. Puis je partageais que moi, je voyais beaucoup de gens qui étaient pris dans des pièges. Et elle trouvait que quand elle entendait ça, elle trouvait ça arrogant. Puis dans notre relation, éventuellement, elle a eu beaucoup de souffrance. Parce que moi, je suis pas attaché à rien. Il n'y a rien qui va compromettre moi. Pour moi, je suis déjà libre, puis il n'y a rien qui est dans le chemin. Rien. Et puis, ça peut faire, quand tu es dans quelqu'un, il y a de l'identification, puis tu es en relation avec quelqu'un qui n'est pas attaché, ça peut faire monter plein des trucs. Okay? Oh Des oui. peurs d'abandon, des peurs de ci, des peurs de plein de trucs. Et puis là, la souffrance intense est venue. Puis là, elle s'est ouverte parce qu'avant ça, elle me demandait de partager avec elle, puis je voyais qu'elle n'était pas ouverte. Je voyais qu'elle était. Elle connaissait déjà. Puis moi, je lui disais, il y a des. Puis elle n'était pas ouverte. Mais c'est seulement que quand elle a souffert énormément que je lui ai dit, qu'elle a assez ouverte, puis elle a, que le pointeur est rentré, puis le plus profond, de façon, dans le moment qui était, qu'on n'a pas pu choisir, parce que moi, j'avais aucune attente. J'avais pas, je lui ai partagé, mais c'est pas, mon amour n'était pas conditionnel qu'à s'éveiller ou quoi que ce soit. Mais dans le moment opportun, ça s'est vu qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et moi, ce que je vois, c'est que ça, il y a quelque chose de plus profond qui, ça reste, qui suis-je, ça va plus profond. Mais tu sais, il y a une vidéo de Moji que j'adore, qui est traduite en français, mais en anglais, j'aurais pu l'écouter aussi. L'éveil, ça se déploie. Et Moji parle, quand il a parlé à Papaji de cette grosse colère-là qui était identifiée maintenant. Puis il s'est mis à raconter qu'il regardait sa main, que ça, c'est devenu beau, clair, que c'était. Puis il a dit à cette grâce-là, oh mon Dieu, emmène-moi en toi, au pire, tue-moi. As-tu vécu ça, toi, quelque chose qui est comme soi, mais plus grand que tu sois, mais qui est soi? Est-ce qu'il n'y a pas une grâce à quelque part qui viendra, comme je te le dis, jamais dédite, même si Édith t'invoque, invoque, invoque et pratique, pratique, pratique? Y a-tu quelque chose qui. Moi je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais j'ai même des doutes par rapport à Moji. Ok. Je comprends, hein? J'ai des doutes vis-à-vis beaucoup de personnes, moi aussi. Parce que pour moi, ça reste une expérience, la main, puis tout ça. Pour moi, il y a plus personne, il y a juste plus de séparation. Pour moi, l'exemple que j'ai, c'est Ramana. Parce que pour moi, Moji, je vois beaucoup de gens qui ont de la dévotion malsaine autour de lui. J'ai passé un mois à son satsang, à son ashram. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pour moi questionnables. Je pense comme toi, surtout qu'il y a quasiment des gardes du corps autour de lui, puis quelqu'un d'illuminé, un peu comme Amanda Moyer, ou veut transmettre comme Ramana. Les gens venaient, puis il n'y avait pas de garde du corps autour de lui, il ne faisait qu'être là et donner. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, je questionne ça. Ramana était silencieux. Moji parle énormément. Pour moi, je vois que je parle encore beaucoup, mais c'est du conditionnement. Puis je reviens constamment à utiliser Ramana en tant qu'exemple. Pour moi, s'il y a des gens qui ont de la dévotion, puis que ça va être important de faire des mises en garde, puis je vois pas qu'il fait aucune mise en garde, puis il y a autour de lui de plus en plus des gens qu'il voit comme Dieu. Puis à cause qu'il n'y a pas de mise en garde, les gens se perdent parce qu'il y a une personnalité charismatique, puis il y a des belles qualités. Les gens s'attachent à ça. Ils aiment l'amour qu'ils ressentent autour de lui, mais c'est pas nécessairement ce qui est plus profitable à l'éveil. Fait que moi, je dis plusieurs mises en garde par rapport à ça, puis j'utilise Ramana comme exemple. Parce que Ramana, je ne détectais aucune identification en tant qu'enseignant avec lui, mais avec Muji. Selon mon interprétation, qui n'est qu'une interprétation, puis que je dis pas qu'elle n'est pas questionnable, Je comprends vraiment. je sens beaucoup d'enseignants dans son. Il y a du rôle d'enseignant beaucoup que je vois là-dedans. Par contre, on n'a que lu Ramana et Nisargadatta, tandis que Moody, on le voit agir. Tu comprends? Parce que si tu lis un livre de Moody, mon Dieu, il va avoir l'air du saint. C'est ça que je veux dire, mais Ben, c'est pour ça que des fois, là, pour moi, des fois, là, François, des fois, je doute même si tout ça est réel. Ben, moi, je peux te dire que toute la souffrance est disparue. Et puis, si c'est ce que. Quand je lis Ramana, quand je lis les sages pour moi sur lesquels j'ai aucun doute, c'est mon expérience à moi. Donc, comment peux-tu être différente? Non, je parle, mettons qu'on lit les livres de Moody puis qu'on n'a pas vu tout le cirque autour de lui, on dirait, mon Dieu, c'était un grand sage comme il parle, tu comprends? Mais pour moi, c'est tout Fait que ça. Regarde la façon les gens commencent à s'habiller de plus en plus en blanc autour de lui. Ils donnent des noms spirituels aux gens. Ça devient sectaire. Et puis, Le terme Sri Mudiji, et après ça, Sri Krishna, Sri Jésus, Sri Mudji, c'est tous des titres qu'ils font voir comme un dieu. Puis moi, quand j'étais à son ashram, dès qu'ils parlaient, tout le monde arrêtait leur activité, puis c'était comme, fallait écouter. On peut pas manquer un mot. Puis pour moi, l'éveil s'était déjà fait, puis pour moi, ça avait... J'étais allé là parce que je voulais le remercier, puis j'étais tellement heureux de reconnaissant. C'est puis autour de lui, c'est pas ça, c'est du monde qui sont dans le besoin d'entendre tous les mots, qui sont en besoin de sa présence. Oh oui, des disciples qui ont besoin d'un des gourou. Des disciples, oui. Et toi, est-ce que tu as pu lui donner un hug? Plein. Est-ce que tu as reçu quelque chose en sa présence? Pour moi, je lui ai donné des hugs, mais je vois pas Moji différent de moi. Pour moi même, j'ai des questionnements par rapport à Moji. D'accord, je comprends. J'ai des questionnements par rapport à ce que je vois, ce qui se passe autour de lui. Pour moi, Ramana n'acceptait pas d'être traité différent des autres. Non, mais Ramana a même dit, on me bâtit un ashram pour moi. Ça se mange pas, je m'en fous. Mais ses disciples ont voulu, tu comprends. Peut-être que Moji est pris que ses disciples, peut-être que non. Je ne sais pas, je me questionne un peu comme toi. Moi, j'ai eu quand j'étais à Rishikesh, j'ai parlé à une autre personne qui était aussi une disciple proche de Moji. Et puis, elle m'a partagé qu'elle a vu, parce qu'elle était dans son entourage proche, que de plus en plus, Moji apprécie les bons traitements, puis les attentions, le monde qui le traite aux petits soins. Puis pour moi, ça, c'est questionnable. Ça fait émerger beaucoup de questions. Oh oui. Parce que quand on a un vrai cheminement spirituel, on s'en fout du corps, là, d'être traité aux petits soins ou pas. C'est pas ça, c'est partager. Ouais, je comprends. Pour moi, des fois, donner une bonne claque, c'est ça qui va plus aider à éveiller quelqu'un. Pour moi, ça éveille beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que si jamais tu sens, tu résonnes avec ce que je partage, puis tu veux qu'on chemine ensemble, je t'invite de couper, puis de focuser sur, parce que plus que tu suis des autres enseignements, même si c'est la non-dualité, puis il y a beaucoup de choses qui sont dans la même direction, mais ça peut créer de la confusion. Puis je t'invite à seulement focuser sur écouter mes vidéos, puis ta pratique à toi, puis pour éviter toute confusion. D'accord. De un, je te remercie. Namasté. Je vais te dire merci, François. Si j'ai une question pour toi, sens-toi toujours à l'aise de répondre ou non. Je vais continuer de te suivre. Tu es dans mes amis Facebook, voir tes vidéos. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Mais là, je vais te faire une petite question de fille du Saguenay un peu blette. Est-ce que tu demeures en Inde ou tu es allé là pour X célébration ou tu as déménagé en Inde? Parce que tu sais que ce que l'on est, on l'est n'importe où. Bah, c'est ça. Moi, l'endroit que je vis, ça n'a pas d'importance, mais les circonstances de vie qui font en sorte que je suis ici, j'ai été un petit peu nomade pendant quelques années. J'avais comme aspiration, j'étais dans un projet de communauté d'acheter une terre au Costa Rica puis de vivre autosuffisant. Mais finalement, les croyances puis par rapport à la diète, tout ça, ça a pris de plus en plus le côté. Et puis, d'aller auprès de Moji l'année passée, c'est ce qui était plus l'élan. Puis de là, les partages ont commencé. En venant en Inde, les partages ont commencé de façon spontanée. Et puis, j'ai rencontré ma copine qui est russe. Et puis là, on veut revenir au Québec, mais on doit attendre le processus d'immigration qui pourrait prendre jusqu'à encore 2 ans de plus. Fait qu'en attendant, on est ici. Mais il n'y a pas, dans mon cas, il n'y a pas de « en attendant », parce qu'il n'y a nulle part où aller. Une dernière question. Mm-hmm. Oh, oui, on est n'importe où, mais as-tu vu Arunakala? Qui? Moi, je dis Arunakala, la montagne de Ramana, es-tu allé? Ben, je suis juste à côté, je suis à Tiruvannamalai. Oui, je sais, mais t'es-tu promené? Est-ce que c'est vrai, cette histoire d'énergie, de... Au ashram de Ramana, il y a des belles énergies, mais pour moi, je suis pas énergie, donc ça n'a pas d'importance. Pour moi, je suis la source de l'énergie. Fait que peu importe où je suis la source de tout. Donc, ces énergies-là, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que pour moi, j'étais vraiment inspiré de venir ici au départ. Je suis ici depuis 2 mois. Puis maintenant, on s'en va à Rishikesh après parce qu'on préfère ça. C'est plus dans la nature, c'est auprès du Gange. Ici, c'est plus pollué. Il y a beaucoup plus de trafic. Et puis, c'est très commercial. Les satsangs, c'est une business. Pour moi, j'apprécie plus Rishikesh. Fait que pour moi, c'est vraiment un beau constat de voir que même la montagne, pour moi, elle est en moi. La montagne est en moi. Ça n'a pas d'importance si je suis proche de la montagne ou à Montréal ou peu importe. Puis une dernière question. Oh, je dis une dernière question. Edith, tu peux me poser. Je vais te présenter quelqu'un. Bien sûr. C'est Emmerich. Il a 19 ans. Ah, salut Emmerich. C'est un ami de ma fille. C'est un jeune homme, écoute, comme j'en ai jamais vu. Il a un beau sourire, là. Pourquoi il ne s'assied pas, là? Vous n'avez pas 2 chaises? Mais il t'écoute depuis tantôt. Emmerich. Emmerich, il me parle souvent de spiritualité, puis il me dit qu'on est illuminé, comme un peu toi, l'évêque, t'as eu, il a comme peur de disparaître. Je dis non, tu vas rester conscient. Il a comme peur que de mourir, genre qu'il ne s'appelle plus de rien. Puis je dis, je pense pas que ça se passe comme ça. Emmerich, ce qui meurt, c'est la limitation, mais notre nature illimitée, elle va rayonner. Et on peut, ce qui est vrai ne peut pas mourir, c'est seulement l'illusion qui s'en va. C'est good. C'est un jeune homme, là. Si un jour on re-skype, là, j'aimerais que. Il va être encore là. C'est vraiment une belle personne, un jeune homme. C'est rare, les jeunes. Je le vois, il rayonne. Une chance que je l'ai péri tout le temps, oui. C'est une belle personne. On fait un Om Namaste? Om Namaste, François, merci. Ça fait plaisir. Tout mon amour au Saguenay. Oui, tout mon amour en Inde. Bye. Merci à